8 ans aujourd'hui qu'on t'a perdu, maudit ce jour où t'as 10 pouces, et le temps sans toi est suspendu, comme figé dans les eaux douces. Tu sais, ton amitié nous manque, les moments joyeux et les galères, les soirs, les nuits de saltimbanque, les rires et les saintes colères. I don't know.